بسم الله الرحمن الرحيم. الحزبية يا أخوان أفل لها والله، أفل للخيانة، أفل للغش والخديعة، أفل لعدم النصح لدين الله وعدم النصح للحق والسنة وعدم الوضوح. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية باليمن. على plaisir de vous présenter سلسلة الفوائد والنصائح المختصرة. série de brefs conseils donnés par Mounir ibn Ahmed al-Maghribi حفظه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا بحث مختصر. نعم، سأل أحد الإخوان، un frère, il avait demandé, est-ce que Salat tout seul, celui qui fait Salat seul derrière les Sofouf, et le masjid, matalan, il rentre dans le masjid, les Sofouf ils sont pleins, ils se retrouvent seuls dans ce Sof. Est-ce que sa Salat elle est obligatoire? Est-ce que sa Salat elle est acceptée? Est-ce qu'elle n'est pas acceptée? Est-ce qu'il peut tirer un frère, il le fait sortir du Sof et il le met avec lui dans l'autre Sof? S'il ne peut pas, comment il doit faire? Il se retrouve tout seul. Est-ce qu'il attend? Est-ce qu'il rentre dans ce salah? C'est quelques masa'il qui ont rapport avec cette masa'la muhimma. Naqra kalam Shaykhina Muhammad ibn Hizam waffaqahu Allah ta'ala li kulli khayr min sharhihi al-mati' ala bulugh al-maram fath al-allam. Il a cité cette masa'la. Il a expliqué les hadith que l'hafid ibn Hajar il a cité fil bulugh. Et Inch'Allah, on lira certaines masa'il par rapport à هذا. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه وعن وابصة ابن معبد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. نعم، أحمد أبو داود والترمذي وحسنه الإمام الترمذي لحسن الحديث وصححه ابن حبان. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a vu un homme faire salat tout seul derrière les sofouf. Il était seul, il n'était pas dans un saf. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a ordonné de refaire salat. Ce hadith montre que salat elle est batila si tu pries tout seul. Qala al-Sheikh ibn Hizam hafidhahullah, qala al-Hadith sahih. L'an on lit al-Tahqiq. Qala al-Hadith sahih, akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidhi wa Ibn Hibban. Na'am, qala huwa hadithun sahih. Vous avez remarqué, il a dit wa huwa hadithun sahih. Il n'a pas dit le hadith il est sahih. Quand on a fait le dars, on a écrit une note et la nabah il a dit j'ai dit hadithun sahih li'anna avec plusieurs les turuq, la riwaya d'Ibn Hibban, la riwaya de l'imam Tirmidhi, de Abu Dawud, de Ahmed, le hadith devient sahih. Il n'a pas dit l'isnad il est sahih. Fa rubbama أحد الإخوان في دي غوشيخش من سنن أبي داود ربما يتخوف أن الحديث لضعيف أو الإسناد أبو داود لضعيف. ça veut pas dire que le hadith est ضعيف. انتبه. tu peux avoir le إسناد أبو داود لضعيف لكن الإسناد الإمام أحمد لحسن الإسناد الإمام ترمذي لحسن ابن حبان كذلك الحديث يمونت دقري دو صحيح. ça c'est tu étudies هذا في علم المصطلح علم الحديث. انتبهوا الكلام الآن يبغسي وهو حديث صحيح. Et le hadith, le matn, il est sahih avec toutes les turuq. Il y en a un ikhwan, probablement il va lire ce hadith, riwayat Abi Daoud. Cheikh Al-Albani, rahmatullah alayhi, va dire le hadith fihi dha'f. Il ne va pas comprendre. Là, le hadith fihi dha'f, mais avec le rot, riwayat, tu trouveras Cheikh Al-Albani كذلك, probablement il est sahih ou il est hassan. Ala kulli hal, hadith il est sahih. Deuxième hadith, qu'il a cité le hafid, wa lahu an talq. Non. وله كانه ابن حبان صحيح أخرجه ابن حبان. نعم وله ça revient au dernier nom qu'il a cité dans la riwaya d'avant. وصححه ابن حبان ثم قال وله أي ابن حبان عن طلق رضي الله عنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف. النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا لا صلاة pas de salat pour celui qui prie seul derrière les صفوف. قال وزاد الطبراني في حديث وابصة ألا دخلت معهم أو اشتررت رجلا اشتررت أي تشتير واحد معك. دونك لو حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف. الإمام الطبراني لغاجوتي ألا دخلت معهم pourquoi t'es pas rentré dans le صف أو تشتير quelqu'un معك. أما الحديث لا صلاة للمنفرد خلف الصف قال ابن حبان صحيح لغيره, خرجه ابن حبان من حديث علي ابن شيبان وفي إسناد عبد الرحمن بن علي بن شيبان وهو مجهول الحال, والحديث صحيح بشاهده الذي قبله. نعم الحديث إلى ضعف لكن إلى أبوية avec الحديث دابا أي كان النبي صلى الله عليه وسلم il a démontré à celui qui fait salat tout seul n'a pas de salat de la refaire. Donc il appuie ce deuxième hadith ou qui est en dhaaf. Ala kulli hal, le ma'na est sahih. Le hadith est sahih. Baqiya, la riwaya qu'il a, ou la ziyada qu'il a rajouté à l'imam al-Tabarani, rahimahullah, ala dakhalt ma'ahum, pourquoi t'es pas rentré ou tu tires quelqu'un ma'ak? Qala al-Sheikh Muhammad ibn Hizam, habidahullah, dha'ifun jiddan, akhrajahu al-Tabarani, wa fi isnadihi al-Sari, كان وكذا السري ابن إسماعيل وهو متروك بل قد كذب, الحديث ضعيف جدا لهذا الذي جدا لأنه فيه واحد متهم بالكذب إلا accusé de mentir. Donc le hadith ce rajout ألا دخلت معهم أو اشتررت رجلا هذا إلى ضعيف جدا. Donc الآن الحديث كنا les deux hadith, hadith وابصة وحديث طق, il montre que le Nabi صلى الله عليه وسلم نهى. Il a montré que la salat n'est pas sahiha, celui qui fait tout seul khalf al-saf. Al-an des masail. Qala al-sheikh avidaullah salat mas'alat al-oula, al-mas'alat al-oula, salat al-fad khalf al-saf. Al-fad ay al-munfarid, il est tout seul. Qala fil mas'alati qawla. Dans cette mas'ala, il y a deux qawla. Qala al-awwal al-sihha. Premier qawla, c'est que la salat est sahiha, même s'il fait tout seul. Qala wa qawla al-shafi'i ibn al-mubarak wal-layth, wa stadallu bi haditha bi bakra al-sabiq. Haditha bi bakra. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Marra, il faisait salat avec les sahaba et Abu Bakr, il est venu en retard. Et avant de rentrer dans le saf, il a fait le recours et il a marché. Ta'lamoun, le hadith, il est mashhour. Donc, l'imam Shafi'i, rahmatullah alayhi, il a choisi ce hadith, Anna Abu Bakr, radiyallahu anhu, il est rentré dans le salat avant le saf. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne lui a pas dit de refaire la raka'a. Ah, c'est un istid là, le qawm. Premier qawm, donc, أن الصلاة صحيحة لأن سأل سغ باطلة النبي صلى الله عليه وسلم لغد إلى أبي بكر غف الصلاة لأن تكمنس الصلاة en dehors des سقوف donc ta rak'a لأن هو إلى غطف الركوع donc la rak'a لباطلة. قال on avait علق pendant le درس أي ركع قبل الصف فهو دخل في الصف وهو خلف الصف أي وحدة هذا ce qu'on a expliqué. قال الثاني deuxième قول البطلان الصلاة لباطلة. قال وهو قول الحسن بن صالح والأوزاعي وأحمد الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق ابن راهوي ووكيع وابن المنذر وأكثر أهل الظاهر وغيرهم وهو قول نعم وغيرهم واستدلوا بحديث وابصة وعلي بن شيبان اللذين في الباب لدو حديث كلاسيتي الحافظ بن حجر. قال أبو عبد الله الآن ندو قول أن قول يقولون في الصحة لا صلاة لا أكسبتي استدلوا بحديث أبي بكر أن قول صلاة الباطلة استدلوا بدو حديث كنا في البلوغ. قال أبو عبد الله أي الشيخ الحزام القول الثاني هو الراجح. نعم لماذا؟ لأن في حديث وابصة إلى صحيح النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد الصلاة. Vous avez remarqué que Hadith Abi Bakr, eux, ils ont dit Annahu, c'est pas obligatoire, ou la salat elle a accepté, et Annahu, il lui a pas rendu, il l'a pas obligé de refaire le salat. Hakka, il est rentré dans le saf, ouais, il a pas fait le salat tout seul. Il y a une différence. Amma fi Hadith wa avec ça, il a fait le salat tout seul. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a ordonné de refaire le salat. Donc, fil haqiqa, ça montre que si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné de refaire le salat, c'est que le salat elle n'est pas acceptée. Elle sera acceptée, il n'aurait pas ordonné de la refaire. Ah, al-qawl al-thani, c'est al-raji'. قال وأما حديث أبي بكر الآن يغيبون فقد أجاب عنه شيخ الإسلام رحمة الله عليه كما في مجموع الفتاوى فقال وأما حديث أبي بكر فليس فيه أنه صلى منفردا خلف الصف قبل رفع الإمام رأسه من الركوع فقد أدرك من الاستفاف المأمور به ما يكون به مدركا للركعة. هذا سأقول قول رحمة الله عليه الإمام الشافعي رحمة الله عليه سكشن صلى الله عليه وسلم. Même si tu fais salat khalf al-sufuf, c'est sahih, il y a un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas recommandé, il n'a pas ordonné à Abu Bakr de refaire. Lakin, Cheikh l'Islam, il dit Abu Bakr, matalan, à ce livre, le saf, c'est le bord du livre, là. Abu Bakr, il rentre, il arrive à la moitié de la page. Il fait le recours. Et il avance. Il avance, il avance, il avance. Est-ce qu'il est arrivé dans ce salat, ils étaient encore en recours? Non. Il a eu la raka'a. Abu Bakr, il est rentré dans ce saf et il a eu la raka'a. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne lui a pas ordonné de refaire le salat. Ah, d'accord, je vais vous dire. Eux, ils ont compris, Abu Bakr, il est rentré en dehors du saf, dans le salat, donc il était seul. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne lui a pas dit de refaire. Là, Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne lui a pas dit de refaire. Là, il est rentré dans la salat, dans le saf, ils étaient en recours, et Thomas, il s'est relevé, il a eu la raka'a. فقال واما حديث ابي بكر فليس فيه انه صلى منفردا خلف الصف قبل رفع الامام راسه من الركوع نعم كي سيك ا دي ك ابو بكر quand il est rentré dans le saf l'imam il s'était relevé vous avez compris là لان si l'imam il s'est relevé et Abu Bakr il est arrivé dans le saf le قول de l'imam Shafi'i il y a un وجه لان نحن دي شيخ الاسلام c'est ça qui veut démontrer ان la rak'a tu la rattrapes fi salat mata. C'est quand tu rattrapes la raka'a. Si t'arrives et l'imam il est raka'a. Si il s'est relevé, t'as loupé la raka'a. Ala qaw. T'as manqué à la raka'a. Ala qaw. Mais il y a un qaw. Même si t'arrives il est raka'a, t'as loupé al-fatiha, tu dois refaire la raka'a. Lakin l'an istidlal al-shafi'i rahmatullah alayhi, annahu. Si Abu Bakr, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit de ne pas refaire as-salah, c'est parce que il était tout seul. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit de ne pas refaire. Donc la raka'a, donc sa salat, khalf al-saf, elle est valide. Cheikh l'Islam, il dit là. Cheikh l'Islam, il dit, Abu Bakr, il s'est mis en recours, il a avancé. On n'a aucun délil qu'il n'a pas rattrapé le raka'a quand il est rentré dans le saf. Quand il est rentré dans le saf, Cheikh l'Islam, il dit, Orobama, l'imam, il est encore raka'a. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit de ne pas refaire le raka'a. Vous avez vu la différence entre les deux. Qala. قال فقد أدرك من الاستفاف المأمور به ما يكون به مدركا للركعة أي il est rentré dans le saf راكع الصحابة ils étaient encore راكع le prophète il était راكع donc il a eu la raka donc le Nabi صلى الله عليه وسلم il n'a pas besoin de lui dire refait la raka ça ne veut pas dire que s'il était tout seul il aurait fait ça tout seul la salat l'a accepté là il y a une différence قال فهو بمنزلة يقف وحده ثم يجي آخر فيصافه في القيام فإن هذا جائز باتفاق الأئمة. نعم. Cheikh l'Islam dit Abu Bakr c'est comme si il était tout seul dans le saf, il est attendu debout, un autre il est venu à côté, ils ont fait takbir al-ihram, ils ont fait le rukou. C'est jaiz bil ijma' bil ittifaq. C'est la même chose. Donc l'istidlal fil haqiqa du qawl al-thani il est aqwa. قال وحديث أبي بكر فيه النهي بقوله ولا تعد وليس في أنه أمره بإعادة الركعة. نعم فيه النهي لا تعود أي ne refais pas, tu fais le rukou avant et tu marches. أما لا تعود ça veut pas dire ne refais pas الركعة. هذه c'est une autre مسألة. On détaillera pas هذا اليوم. Donc القول الصحيح أن الصلاة الباطلة. Celui qui fait الصلاة خلف الصف tout seul, sa صلاة elle est pas acceptée. لأن النبي صلى الله عليه وسلم il a ordonné cet homme de la refaire. Une autre مسألة que الشيخ بن حزام il a cité حفظه الله. ماذا يصنع من لم يجد من يصف معه؟ Il a cité une mas'ala l'an. Que faire si t'es tout seul? T'es arrivé, l'imam il vient de commencer le fatiha. Il y a deux rangs maintenant. Toi t'es au troisième, t'es tout seul. C'est un petit masjid, qadar Allah, personne vient. Qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que tu dois forcer à rentrer dans le saf, tirer quelqu'un avec toi ou commencer seul? T'as trois cas. Soit tu commences tout seul. On a vu, il y a un hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné de refaire. Salat, elle n'est pas valide. Soit tu tires quelqu'un. On a vu le hadith, il est valide. Soit tu rentres dans le saf. Et on va voir, est-ce qu'une des trois est autorisée? Laquelle on a déjà des éléments, on a une réponse avec ce qu'on a cité. Qala, qala al-Sheikh, abidallah, idha stata'a an yuqarib bayna al-ma'moumin, hatta yajid makanan fayadkhul fi fa'al. Ça c'est tayyib. Khassatan, ahyanan, vous avez remarqué, il y a des soufouf, la haqiqa, en se serrant, sans se serrer, se faire du mal. Là, normal, se rapprocher, comme il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, al-ka'b, al-ka'b, mankib, al-mankib, avec les chevilles collées et les épaules collées, sans se faire du mal. La haqiqa, certains sont fous, si chacun il applique sunnah, tu peux faire rentrer un frère, deux frères, voire trois. Anta, si tu vois que le saf, il est vraiment, il y a de l'espace, tu rapproches. Khassatan, Allah alam, il va nabba an hada. Tu t'essayes de faire ça avec des frères, yafhamoun. Maintenant, tu as un saf à droite, il y a des frères, ils comprennent le sunnah. À gauche, il y a des awam. Rubbama, tu le touches, ta'alamoun, al-awam. Anta, tu vas vers les frères qui comprennent, ils vont comprendre. Tu lui montres, tu le décales un peu, ça va te faire une place, tu rentres. Hada tayyib. تعالى فعل وإن لم يستطع واستطع أن يدخل إلى يمين الإمام بدون إساءة إلى المأمومين فعل ذلك. دوزيام كا كذلك نحن on avait cité 3 cas. في الحقيقة il y a un quatrième. Si tu peux, tu te fais une place. Maintenant il y a un rang, il y a deux rangs, il y a l'imam. Tu te fais une place pour penser. Maintenant un frère, tu le touches, il va comprendre, tu passes. Thomas premier rang kadalik, tu passes et tu vas à la droite de l'imam. Si tu peux faire ça, طيب لكن ستتعب dans les grands masjid. ما بالك يا ديران ما بالك ربما ça fait des fitan, ربما les gens ils comprennent pas avec هذا الحل. لكن si tu peux, c'est un petit masjid, il y a quelques rangs, un rang, deux rangs et alhamdoulillah les gens ils comprennent là bas. Tu rentres à Akada, tu passes premier rang, deuxième rang et tu vas à la droite de l'imam. قال فعل ذلك وقد رخص في ذلك جمهور الحنابلة. نعم هذا صحيح. قال اما اذا لم يستطع ذلك لبعد الامام. Ce qu'on a dit, le masjid il est grand. قال او المشقة. أو ربما يا كان صفوف تعلمون سيتعب ربما إذا غيب على كتب الإمام لا صلاة لفيني في هذا الحال. قال فهل له أجد بعض من في الصف أم لا؟ الآن tu peux pas resserrer le rang, tu peux pas aller vers l'imam. Il reste la solution, on a dit, est-ce que tu peux tirer quelqu'un؟ قال كره ذلك جماعة من أهل العلم. نعم certains savants, un groupe de savants, ils ont pas autorisé هذا كره ذلك. نعم on va voir لأن الحديث هذا il est ضعيف. قال وهم أحمد ومالك والأوزعي وإسحاق وأبو حنيفة وداود واستحب ذلك الشافعي وهو الصحيح عند الشافعية. الإمام الشافعي il a autorisé هذا. Si t'es tout seul tu tires un frère. قال وحكاه ابن المنذر عن عطاء والنخعي. خلاف donc خلاف بين أهل العلم. بعض العلماء يجيز لا بعض العلماء يجيز نعم. الإمام أحمد مثلا يدي لا, الإمام الشافعي يدي نعم. قال أبو عبد الله الأظهر أنه يجوز جذبه إن كان الصف لا ينقطع. قول فيه وجه متى أحيانا تنصف يتخو دموند. تعلمون هذا زبيت فيك هذا يعني الصف un frère il rentre en trop ربما un deuxième personne est à l'aise. Et tu sens, tu vois un tas de sauf de derrière, tu sens qu'il y en a un entre eux. Tu le sens quand et tu le vois quand Ba'dhum rubbama son torse n'est plus en direction de la qibla. Hada sa khata. Ba'dhum matalan il fait salat hakada penché. La yajouz hada. Yajouz ton visage et ton torse. Ba'dhum il est hakada. La salat c'est comme ça. Al-mankib, al-mankib, sans exagérer. Fi al-haqiqa fi as-sufuf, il y a des gens ils exagèrent. Trop de monde, ça pousse des personnes à se décaler légèrement à droite ou à gauche alors qu'il doit rester en direction de Qibla. Kadalik, t'as un autre cas, tasahul gadir, il y a de la place pour deux ou trois, lakin khasatan al-awam masakin, ils veulent être à l'aise, personne ne touche. Hada sa khata. Al-an notre mas'ala, si t'as ce sauf où il y a trop de monde, hatta tu vois un frère, il est pratiquement, il est décalé, il est, t'en tires un. T'en tires un, liyanna limada, liyanna, tu vas pas être la cause de couper le sauf. Mais vous, t'as bien d'al-hal, tu le tires là, mas. Mais si le sauf il est correct et t'en tires un et ça fait un trou dans le sauf là, on va voir un sahih là. Ton sauf, anta il n'est pas complet et le leur il n'est pas complet. La yukallifullahu nafsun la wus'aha. Anta t'es pas responsable de ça. Si t'arrives pas, tu restes tout seul. On va voir, est-ce que tu fais salatam là, c'est autre chose. قال Abu Abdillah al-Azhar annahu yajuz jadbuhu in kana as-saf la yanqati'. Naam. Dès qu'on avait étudié ce livre avec Cheikh Hafidahullah, quand on était à Dammaj, on avait Allah, qu'un yakuna saf muzdahiman. Naam. L'exemple qu'on a donné, il y a trop de monde dans le saf. Qala, wa dhalika bi taqarub al ma'mumin, wa sadd al furja, wa amma in lam tusadd al furja, falla, wallahu a'lam. Tu le tires, eux automatiquement, fil haqiqa, ils vont se remettre. Bal, fil haqiqa, tu leur enlevé une épine du pied à tous. Yana, c'est un ta'ab. Khassatan fi tarawih, la personne il doit être à l'aise sans exagérer, laisser des espaces, lakin trop ça t'atab. Avec hada hal, si tu le tires ce frère tayyib, wa illa si tu le tires et ça fait un trou dans le saf là, baqiya al mas'ala al an, est-ce que il fait salat am la? Al an il est tout seul, il n'a pas trouvé aucune des solutions, il peut pas aller vers l'imam, il peut pas tirer quelqu'un, il peut pas rentrer dans le saf. Madha yaf'al? Qal wa dhahaba shaykhul islam ila adam al jadd. نعم وغفيا مسألة اسكتير كالكان شغل الإسلام قال لا قال بل قال يصلي منفردا للحاجة إلى ذلك واختاره الشيخ ابن عثيمين. الآن شغل الإسلام يدي هو لا تشتير بخسن. نحن نعبو الكاس سيا زحمة صف المزدحم لا بس. الآن شغل الإسلام يدي لا تشتير بخسن. Est-ce que tu fais salat tout seul sur l'islam? Il dit non. Et Kadalek sur Mnatimin, il a choisi ce qawl. Sheikh Ibn Hizam, il a allak, qala, ça c'est pas dans le livre, hein, c'est nous qui avons écrit pendant le dars. Qala fal wajib yasqut bil ajz. Ça c'est une règle, ou bil udr. Bil udr, qala. Fal wajib yasqut bil udr. La yukallifu Allahu nafsan lawsah. Ce wajib, l'an il est ma'adour. Il ne sait pas comment faire, il est tout seul. Faliyat, Sheikh al-Islam, le Daimiya et Sheikh Ibn Hizam, ils ont basé leur qawl sur ça. Non, il est tout seul. Il a fait tout ce qu'il pouvait. Ce wajib, l'an, aïe. De ne pas faire salat, ou l'obligation de faire salat dans le saf, et ne pas faire salat tout seul, il y a ce qu'on dit. Il est excusé, mais il y a ce qu'on dit. Il y a ce qu'on dit. Il y a ce qu'on dit. Il y a ce qu'on dit. Il y a ce qu'on dit. Il y a ce qu'on dit. Il y a ce qu'on dit. Le ravi, c'est qu'il est tout seul. Qu'est-ce qu'il va faire? Lakin, fil haqiqa, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ou amara bi i'adat salat. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas demandé à cet homme, est-ce que tu pouvais aimer là? Vous avez remarqué? Il l'a vu, il a cité le hukm. Tu as fait ça là tout seul, refais. Il y aurait le short, ou l'excuse, il aurait dit à cet homme, est-ce que tu pouvais? Il aurait dit là, il aurait dit ça. Il aurait dit, na'am, je pouvais, il aurait dit, refais. Lakin, le Nabi sallam, il n'a pas posé. Ça reste à la, cette question, ça reste à la zahir. Celui qui veut tout seul, le fait d'être tout seul, il faut refaire. هذا سأقرأ والله تعالى أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم عام ما استفصل هل هناك فرغ أم لا. النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لا demander ce qu'il y avait de la place, est-ce que tu pouvais, il a rien demandé من هذا. Salat tout seul, ça implique qu'il faut la refaire. على si on se base sur le hadith, c'est le قول الصحيح. قال أما أن يأخذ واحد أي معه يصلي معه كما تقدم أي si prend quelqu'un. Le qawl de l'imam Shafi'i. Ou yantadir. On va voir kalam Cheikh Ibn Baz et Cheikh Muqbil. Qal ou ya'khud bi kalam Cheikh Islam et kalam Cheikh Taymin ibn Khitou Sal. Fa al-haqiqa qal fa lahu wajh. Ça te montre, c'est une faïda azima, en celui qui choisit le qawl de l'imam Shafi'i, il tire quelqu'un. Bien sûr, il ne faut pas que ça fasse un trou dans le sang. Hada la yunkar alayh. Celui qui prend kalam Cheikh Islam Taymiyyah ou kalam Cheikh Taymin, il fait tout seul. C'est des aqwal, vous avez remarqué, le khilaf l'an il est qawi. Tu ne peux pas encore aller. Là, tu as choisi ton avis. Si tu as un talib, un frère comprend, tu lui montres. S'il reste sur son avis, tayyib, il a des savants avec lui. Et il y a des adillah. Haqiqa, ils ont des adillah. Adillah al-udr, adillah qu'Allah azzawajal la yukallifu Allah nafsan lawsaha. Hada. Lakin baqiya, nahnu, c'est quoi le qawl l'an al-sahih? Qala baynama akhtara al-allama ibn Baz. Cheikh Ibn Baz, rahmatullah alayhi. Wa al-allama al-wadi'i, Cheikh Muqbil. Alayhi, rahmatullah alayhima, annahu yantadir hatta yati insan akhar. يصافه فإن انتهت الجامعة صلى منفردا وذلك فيما إذا لم يستطع الانضمام معه. الشيخ مقبل الشيخ نباز يقول قول أن إلى طم يتيخ با اي في با صلاة توسل لأن صلاة توسل elle va être à refaire donc il n'a pas à la faire, il attend. في الحال الآن الشيخ نعتيمين أو الشيخ نباز الشيخ مقبل ils ont dit il est معدور, il n'a pas à faire صلاة, il attend. S'ils ont fini, il fait التكبير, il fait صلاة توسل. S'il y a une deuxième جماعة, il va avoir une deuxième جماعة. هذا سان قول. الحقيقة لقول الشيخ ابن باز الشيخ مقبل إلى قريب. لماذا؟ لأنهم يسبس sur le hadith du prophète صلى الله عليه وسلم. Prophète il a dit tout seul tu refais. Donc si tu tout seul tu la fais pas. Eux ils appliquent le hadith du Nabi صلى الله عليه وسلم. Ils disent nous le Nabi صلى الله عليه وسلم il a dit on la refait. Ça veut dire que tout seul il t'autorise pas à la faire. Donc j'attends. هذا أحسن. والله أعلم. Mais celui qui prend قول شغل الإسلام شغل العثيمين il fait tout seul. قول الإمام الشافعي تير واحد bien sûr sans faire un trou dans le saf qui est devant lui. فلا بأس. هذا والله تعالى أعلم. Et on répète أن مثل هذه المسائل لا يجوز أحد إلى أن شد envers son frère. Il le voit maintenant, il attend. Pourquoi t'as attendu? Faut les rentrer là. C'est قول أئمة قول أئمة الآن avec des أدلة. حديث واضح صحيح واضح. أو واحد يبغى كلام شغل الإسلام أو واحد يبغى كلام الشافعي. لا هذه الأمور الخلاف للسائر. لا بد لابسني يتعلم كيف se comporter. الآن c'est pas le frère s'il fait t'as pas خالف العقيدة t'as pas خالف dans l'asr. لا c'est أمور العلماء اختلفوا et tu vois que le khilaf il est قول. حتى الترجيح tu dis ce قول il est plus proche pas du mal في الحقيقة. لكن نحن on voit que كلام شيخ ابن باز كلام شيخ مقبل إن شاء الله il est أقرب, il est le plus proche de حديث وابصة. كذلك il y a une fatwa de شيخ ابن باز رحمة الله عليه اللي ont demandé, on lit le سؤال ما هو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية في الصلاة المنفرد خلف الصف. Ils ont demandé à Cheikh Ibn Baz sur le qawl de Cheikh l'Islam. Quand il est tout seul, il fait quand même salat, même s'il est tout seul. S'il ne peut pas rentrer, bien sûr. قال شيخ ابن باز قد اطلعت على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي أرفقته أو أرفقته بالرسالة أي الفخير دون الكيستيون إلى سيتي لكلام شيخ الإسلام الشيخ ابن باز يقول الكلام قال وهو القول بصحة الصلاة المنفرد خلف الصف للحاجة زي ما قلت للحاجة أي بفخ صلاة تزر سي بابا رنتري إن حاجة شيخ الإسلام يدي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يسيت لدليل إلى تزر إلى بار شوي في الصلاة قال الشيخ ابن باز إذا لم يجد من يصف معه il peut pas rentrer et il y a personne pour faire un saf avec lui il se retrouve tout seul ça ça peut arriver quand à la fin de la salat mais en réalité au début tu as la première raka et ça c'est un tanbih muhim on dit aux frères ne te précipite pas à faire tout seul tu arrives au début c'est la première raka il vient de commencer le fatiha qadar Allah les deux premiers rangs ils sont pleins t'es dans le troisième c'est au début il y en a toujours un normalement en général qui viendra lakin t'es à la quatrième raka il finit il fait le ruku il se relève il fait le sujoud ça peut arriver là t'es tout seul. Vu que c'est la fin, Rubama, t'es un des derniers. Hada tambi, celui qu'au début, il attend. Rubama, wahed, il va venir, il ne se précipite pas. Allez, Hada qal, lam yajid man yasif ma'a. Thumma qal, jamun bad, wa qawlun qawi, bila shak. Chauffe les ulama comme ils se respectent. Là, wallah, ba'doum, il sta'ajil. Il a un délil, il croit que ce délil très simple, il n'y a que lui qui a compris. Là, ya akhi. Wallah, si tu viens, on n'a pas détaillé le délil de chaque qawl en détail. Là. لكن شيخ ابن باز هو امام يسهل هاي الشيخ شيخ الاسلام الى شوازي سقول سان امام في السنه رحمه الله عليه قال وهو قوي بلا شك نعم لان لا وجه لان سي او دسو تا كاباسيتي يا بيرسون تي با ريسبونسابل دي زوتر انت شيخ الاسلام اذا تفعل الصلاه لكن شيخ الاسلام هو الى كل الحديث سي تي بو اي تو في با ديفور نعم تا الصلاه تو لا رفي اما الان تا تو في الحقيقه سان قول قوي كما قال ولكن الاصح منه regarde le comportement le comportement qu'il a avec Cheikh l'Islam il dit pas son qawl il est batil il est khata il dit moi je vois que le asah le plus proche que encore que le qawl Cheikh l'Islam qala wal asah minhu wal awfaq li zahir as-sunnah adam as-sihah li umur thalat ça te montre que Cheikh ibn Baz كذلك il est ala ilm il va citer pourquoi tu fais pas ça là tout seul même si tu as tout fait t'es excusé tu fais quand même pas salat tout seul pour trois cas قال اولا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاه للمنفرد خلف الصف لم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم il a dit la salat il y a pas de salat il a pas fassal celui qui a une excuse celui qui a essayé il a rien fassal le nabi صلى الله عليه وسلم le hadith il est على العموم قال ثانيها انه صلى الله عليه وسلم امر من صلى خلف الصف وحده ان يعيد ولم يستفصل منه حديث وابصة اللي يجره في الصلاة قال هل وجد أحد أم لم يجد ولو كان معذورا عند عدم وجود من يصف معه لاستفصاله ومعلوم أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز عند أهل العلم سي celui qui aurait une excuse sa salat serait validé tout seul النبي صلى الله عليه وسلم il aurait demandé à cet homme est-ce qu'il a une excuse لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز النبي صلى الله عليه وسلم s'il aurait fallu montrer, est-ce qu'il a une excuse, il lui aurait demandé. Il aurait dit, ah, Foulan, pourquoi l'imam n'était pas rentré. Al-Nabi, il n'a pas demandé. Ça montre que le fait de faire seul, la salat, elle n'est pas valide. Ah, là, c'est un qawl qawi. Et il est aqwa, c'est aqwa l'aqwa. Thalidan, anna fi dhalika saddan li dhari'at tazawul bis salat khalf as-saf munfaridan bi da'wa annahu lam yajid furja fi as-saf. Ça montre كذلك al-ilm. Cheikh Ibn Baz dit كذلك, ça ferme la porte. Et là, si on dit c'est autorisé, les frères, les Rabbana, ils feront plus d'efforts. Sahih. Tu le vois là. Badna, si tu lui laisses un peu de. Tu ne fermes pas les portes à certaines choses, il se laisse aller. Il va arriver, il va regarder une seconde à droite, à gauche, il va faire tekbir tout seul. Là. C'est vrai que certains frères, ils font des efforts d'idden. Il attend, il regarde. Amma, pardon, ça va ouvrir une porte, il va arriver. Or, Obama, au début, il va regarder, tout le monde, il va rentrer tout seul. Fermez ce bab. Ta'zim al-liqaw le Nabi alayhi salatu salam. Ça montre qu'il donne de la valeur au hadith. Cette masala, Badna, si. Il ne donne pas la valeur que Ha'oula, il donne. Ha'oula, l'ulama. قال منفردا بدعوى انه لم يجد فرجه في الصف والغالب انه لو لم يستعجل لوجد فرجه في الصف او تمكن من الوقوف عن يمين الامام والله وفق الله الجميع لما فيه رضا طيب شوف بعد دي في الغالب ne te précipite pas attends اما un frère va venir اما ceux devant tu vas voir qu'il y a de la place ils vont te faire une place اما tu vas trouver un hal pour aller vers l'imam fa ne te précipite pas خاصه au début خاصه tu es à la première rak'a deuxième rak'a et c'est une salade de 4 rak'at mais akhi la tistaajil t'es ma'dour بعض الناس ils rentrent au masjid ils croient que بعض العوام vous avez remarqué ils courent t'entends احيانا ça izaaj tu les entends courir et voilà où il est tout seul il fait le takbir là tu rentres en ta bihudu il n'y a pas de place c'est din shara t'as des hadith t'as un talib ilm Bihudou, Sakina, si tu ne peux pas, nous on pense que Qawl, Cheikh Nbaz et Cheikh Mokbil, il est Akrab. Nous Allah subhanahu wa ta'ala, tawfiq li jami'a. Subhanak Allahumma hamdik, shahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Ma'a tahiyyati dammaj, afaq.com. Wa la tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakum an-nar. Al-hadar min ar-rukun ila al-zalama min shi'a aw hizbiyyin. لا تركن إليهم هؤلاء ثعابين.